Jean, l'enfant du miracle. Élisabeth et Zacharie vivent heureux dans un petit village de Judée. Ils sont fidèles à Dieu et sont aimés de tous. Un seul chagrin assombrit leur cœur. Ils n'ont pas d'enfant. Cette année-là, Zacharie est choisi pour faire brûler l'encens dans le temple de Jérusalem. À l'heure de la prière du soir, il entre seul dans le sanctuaire où se trouve l'autel de Dieu. Soudain, quelle stupeur! Il voit, debout près de l'autel, un ange resplendissant de lumière. Je suis l'ange Gabriel. Réjouis-toi, Zacharie. Le Seigneur a entendu ta prière. Bientôt, tu vas avoir un fils. Tu l'appelleras Jean. Ce sera un enfant merveilleux, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui préparera les cœurs à la venue du Sauveur. Mais... balbutie Zacharie. Comment serait-ce possible? Élisabeth et moi, nous sommes trop vieux. La promesse se réalisera, répond l'ange. Mais toi, qui n'as pas cru à mes paroles, tu resteras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. L'ange laisse Zacharie complètement éberlué. Lorsqu'il sort sur l'esplanade, devant le peuple rassemblé, Zacharie ne peut plus parler. Quelques mois plus tard, c'est pourtant vrai. Élisabeth attend un bébé. Quelle joie! Elle n'en revient pas! Zacharie est tout attendri. C'est alors qu'ils reçoivent la visite de leur cousine Marie, qui habite Nazareth. Elle aussi attend un bébé. Mais c'est encore un secret. À peine Marie est-elle entrée qu'Élisabeth sent son bébé bouger joyeusement dans son ventre. Elle s'élance dans les bras de Marie et s'écrie « Oh Marie, tu es bénie et ton enfant aussi est béni. C'est le Sauveur qui vient chez moi. » Marie est très émue de partager son doux secret. Elle se met alors à chanter « Magnifique est le Seigneur, il a fait pour moi des merveilles. » Marie reste 3 mois avec Élisabeth, puis s'en retourne à Nazareth. Le temps de la naissance approche. Bientôt, Élisabeth met au monde un adorable petit garçon. Tous les voisins, tous les amis viennent la féliciter. « Comment allez-vous l'appeler ? » demande-t-il. « Zacharie, sans doute, comme son père !» « Non, » répond Élisabeth, « il s'appellera Jean. » Tout étonné, ils se tournent alors vers Zacharie. « Et toi, tu es d'accord ?» Zacharie, toujours muet, demande une tablette et une craie. Il écrit dessus bien lisiblement « Son nom est Jean. » À cet instant, Zacharie retrouve la parole. Et il loue Dieu à pleine voix. Béni soit le Seigneur, il nous donne un sauveur. Et toi, mon enfant, mon tout petit, tu marcheras devant lui pour préparer les cœurs à cette grande lumière qui vient éclairer nos nuits et guider nos pas vers un chemin de paix. En entendant cela, tout le monde est très impressionné et se demande quel avenir exceptionnel est réservé à cet enfant. Jean grandit et l'Esprit de Dieu est sur lui. Il part vivre dans le désert et devient un grand prophète. Il annonce dans tout le pays la venue du Messie et baptise les gens qui veulent changer leur cœur pour accueillir le Sauveur. Voilà pourquoi on l'appellera Jean le Baptiste.